L'espace Chavant se présente comme un paysage multimodal typique. Le tram, les deux roues et les piétons prennent leur place dans les vagues automobiles rythmées par les feux de circulation, et même si la présence humaine reste discrète au plan sonore, les créneaux existent pour recevoir ces expressions.